Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue à bord du Blues Café pour une heure de croisière en live et en public. Ce soir, Francis, nous recevons l'un des secrets les mieux gardés de la scène européenne. Il aurait pu être l'élève à la fois de Bob Dylan, Robert Johnson, les Staple Singers et Tom Waits réunis, avec, pour ajouter à ce mélange déjà détonnant, une pointe de John Cougar Mellencamp. Eh bien, le barman qui vous propose ce cocktail unique de racines blues, folk, gospel s'appelle Mathis Hogg et nous sommes très heureux de le recevoir ce soir avec son compère Benoît Nogaret. Ils sont en live sur la scène du Millennium pour ouvrir le bal. À vous, messieurs. Bonsoir. Change hands, the seasons come as sure as they go. We brave the streets and over the hills, through the chill and heat, to pave the way for another new day. Turn to brown, we run down the golden red road. Harvest time, the world's turning around. Wild time in wild country, wild time in wild country. The world outside, and often I would try to lock the door and hide and throw the key out into the sea. But we must move whether win or lose, let the river ride. You know there's always hope, a new world around the bend. Turn to brown, we run down, yeah, the golden red road. Harvest time, the world's turning around. Wild time in wild country, wild time in wild country. Thank you. and the world outside. Often I would try to lock the door and hide and throw the key out into the sea. But we must move, whether win or lose, let the river ride. You know there's always hope, a new world around the bend. Come fall, the leaves turn to brown, we run down the golden red road. Harvest time, the world's turning around. Wild time in wild country. Wild time in wild country. Now everywhere we go, everywhere we've been, the light of the day will always shine in. Everywhere we go, everywhere we've been, the light of the day will always shine in. Everywhere we go, everywhere we've been, the light of the day will always shine in. Everywhere we go, everywhere we've been, the light of the day will always, will always shine in. It will always, always shine in. Everywhere we go, everywhere we've been, the light of the day will always shine in. Everywhere we go, everywhere we've been, the light of the day will always, yeah, it will always shine in. Yeah, Jimmy wrote so long on a paper sheet. He took a last glimpse through the blind. Outside all was quiet, his star was shining bright. Nighttime is the right time to whiz. He drove through his hometown, one last look around. Tired of the same old scene, all packed up to go, turn on the radio, on his way to the kingdom of his dreams. And his teeth and painful smile, but I'll still find my goal. That's where my road will end for sure. I wanna blow my harp and act wild on stage with my crown till the break of dawn. And as he crossed the river near the pine grove, he shed a last tear and he sighed. Yeah, father, I will never be a millionaire. Tell sweet mom I will love her until I die. He was driving through the pines, his scene was in his mind. Landscape passing by. Island Street is the goal of every rock and roller. That's where he wants to settle down. And it's streets in painful marble, but I'll sure find my goal. That's where my road will end for sure. I I wanna blow my harp and act wild on stage, wear my crown to the break of dawn. It's been 30 years, you put a suitcase down. Life has been rough and music slow. That's how long it took him to realize his crown and kingdom are but a dream. Yeah, mighty king, where's your marble and gold? Your road has ended for sure. Your heart would have taken you anywhere, craving for fame made you fool. Mathis Haug et Benoît Nogaret. On va demander à Mathis de nous rejoindre. Non. Bonsoir Mathis. Bonsoir messieurs. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Je n'avais pas vu, tu étais caché derrière. C'est la deuxième fois que tu viens ici dans le Blues Café, on en est ravis. Merci de revenir ici. On va parler de ton actualité, tes albums, ils sont nombreux. Je les ai presque tous là, je crois, et notamment ce dernier album qui s'appelle Memphis Sessions, qui a été enregistré, comme son nom l'indique, à Chicago. À Memphis, vous l'aurez compris, c'était pour voir si vous suiviez. Un bien bel album, 6 titres, un EP, comme on dit, un EP qui est, dont le point de départ a été finalement août 2017. Tu as joué aux sélections de France Blues à La Ferté-sur-Loire pour participer à l'IBC, l'International Blues Challenge de Memphis. C'était en juillet 2018 d'ailleurs que tu es allé là-bas. Est-ce que c'est le point de départ de ce projet ? Oui, enfin, j'étais content de partir à Memphis. En parallèle, je travaillais avec une chanteuse que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tony Green. Yeah. Et j'étais allé en décembre 2018 pour 15 jours pour travailler un peu avec elle sur son album qui n'est pas sorti, mais ça c'est une autre histoire. C'est ça, il me semblait, parce qu'on a recherché cet album et on s'est dit tiens, on ne le trouve pas. Et du coup on est retourné en janvier avec Stéphane Notary, le batteur, pour participer au Challenge Blues. Et puis je me disais quand même ce serait vachement bien de profiter de ce moment-là pour peut-être enregistrer quelques morceaux et puis pour collaborer avec des gens de la ville de Memphis. Et j'ai eu beaucoup de chance en fait, parce que je suis tombé sur un excellent studio et un excellent ingé son, Daniel Lynn, auquel j'ai demandé, tu connaîtrais pas des gens à Memphis qui seraient prêts à jouer sur un album d'un Français ? Il me dit, si, bien sûr. Je cherche un organiste, si possible, qui joue de l'accordéon, un ou une violoniste, bassiste. Et quand ils m'ont envoyé les CV des gars qu'ils allaient me proposer, je me dis non, il doit y avoir une embrouille quelque part, parce que ils ont des CV comme ça et ils ont joué absolument avec tout le monde. Et surtout dans des genres complètement différents de la musique américaine, parce que moi j'affectionne avant tout, enfin la musique américaine en fait, voilà, pas spécialement celle du Sud. Et là, c'était vraiment génial de pouvoir collaborer avec ces gens-là. On a enregistré 6 morceaux en 12 heures. Ça allait assez c'est une belle performance. Son prix. Mais alors, revenons un instant, si tu veux bien, sur Tony Green, parce qu'on connaît Tony Green avec Malton Milk. Comment ça s'est passé, cette rencontre? C'est toi qui l'as contacté? C'est elle qui t'a contacté? Elle est sur l'album en backing vocal. Hein. Ouais, en fait, c'est le monsieur qui avait provoqué la rencontre entre Malton Milk et Tony, qui s'appelle Sébastien Danchin, qui a écrit pas mal de livres. Qui est un très bon ami à moi et qui voulait, enfin qui a toujours le projet d'ailleurs de refaire un disque avec elle et de refaire des tournées et qui me l'a présenté et pour travailler avec elle sur ses chansons et voilà, c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Alors tu parles de Sébastien Danchin, effectivement l'album a été produit par Sébastien Danchin, on le connaît comme écrivain, Sébastien Danchin, parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages sur le blues, la soul, le rhythm and blues. Il a écrit notamment l'encyclopédie du rhythm and blues et de la soul ou des biographies de B.B. King, Aretha Franklin. Comment est-ce que tu l'as rencontré et pourquoi lui avoir demandé de produire cet album? Il a réalisé, d'accord. Parce qu'il était déjà là au mois de décembre, donc avec le travail avec Tony, et puis... En fait, il avait envie de retourner avec moi. Et puis, plus on est de fous, plus on s'amuse. Et puis, c'était bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui cadre un petit peu. Parce que j'avais... Au départ, on pensait avoir très peu de temps de studio. Finalement, on a eu une semaine. Voilà, je voulais quelqu'un qui connaisse bien aussi la ville de Memphis. Parce qu'il connaît... Il a vécu là-bas, donc il connaît pas mal de gens aussi. Et puis, Sébastien avait réalisé l'album Wild Country. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Sébastien. 6 chansons sur l'album qui ont été inspirées par le légendaire son de Memphis. Comment tu le définirais, ce son de Memphis? Là, c'est un son de Memphis, c'est la Matisse. J'ai écouté, bon, moi, il y a la soul déjà, il y a le blues. Bon, c'est, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est pas trop ma tasse de thé, mais enfin, ça, il y en a encore un petit peu. Ce que moi, j'ai pu vivre là-bas, c'est que c'est très, quelque part, très ghettoisé. Il y a la Blues Foundation là-bas, mais qui fait une espèce de Disneyland pour les amateurs internationaux de blues. Bon, les Noirs américains sont absolument pas fans. Et la scène afro-américaine, elle est vraiment elle est ailleurs. Elle est aux abords de la ville, dans les ghettos. C'est très touristique aussi. Oui. Forcément, et ouais. Puis Bill Street a brûlé hein, après la mort de Luther King. Hein, donc là, je compare ça à une rue de pub irlandais avec... Alors justement, on parlait du Memphis Sound. Quels sont les artistes qui t'ont particulièrement marqué? Moi, il y a le père Dickinson qui m'a beaucoup marqué, ouais. Dont les fils... Producteur. Ça, j'ai beaucoup aimé. Dont les fils sévissent toujours dans le son des collines du nord du Mississippi. Bah, le bassiste avec lequel je jouais est leur bassiste, en fait, aussi, ouais. Entre autres. Il y a tout ce qui est rockabilly, en fait, que j'affectionne particulièrement. Il y a la country aussi, même si on la situe plus à Nashville, mais elle est aussi très très présente dans tout le sud des États-Unis. Le gospel, surtout. Ça fait vraiment partie d'une de mes influences pour le côté, pour la pêche que ça a, pour aussi le côté spirituel qu'on a un peu perdu chez nous. Le gospel, d'ailleurs, je crois que tu as vécu une belle expérience là-bas, non? Ouais, je chantais. Ils m'ont foutu dans une église. T'ont foutu dans une église. Révérend Hogg. C'est une belle expérience, j'imagine, ceci dit. Ouais, c'est assez chouette. Moi, je suis toujours très... Enfin, j'étais un peu impressionné parce que c'est vraiment des communautés vraiment différentes. Il y a pas beaucoup de blancs qui rentrent dans la plupart des églises. Et le fait qu'ils m'aient donné la parole, en fait, qu'ils m'ont proposé de chanter, c'était quelque chose d'assez... ça m'a touché, quoi. Ouais, forcément, ouais. Alors, tu es venu ce soir avec Benoît, qui est à côté, qui écoute sagement. Alors, on te connaît moins. Comment vous êtes rencontrés, tous les deux? Alors, on s'est rencontrés sur Nîmes, il y a presque une vingtaine d'années. Et Mathis jouait déjà dans pas mal de bars sur Nîmes. Et du coup, on s'est rencontrés dans divers jam sessions. Et voilà, on a commencé à jouer ensemble. Et depuis, on joue ensemble, on bosse la guitare ensemble. Mais est-ce que toi, tu as une activité musicale hors Mathis Hogg? Ouais, j'ai différentes formations, notamment du rock'n'roll, de la musique folk aussi, avec ma compagne, un harmoniciste, un trio, voilà. Donc, Mathis, parlons un peu peut-être des musiciens qui sont sur cet album, sur le disque, il y a ton compère Steph Notary aussi, hein, et les autres sont tous des musiciens de Memphis. Ouais, il y a John C. Stubblefield, qui donc a joué avec les North Mississippi All Stars. Il y a Rick Steph qui a joué à peu près avec tout le monde, justement avec Malcolm Camp aussi, que vous cité tout à l'heure. Et ils ont un groupe ensemble qui a vraiment la cote en ce moment d'ailleurs. Ils ont Lucero Day. Alors, leur groupe s'appelle Lucero. Et ils ont ce mois d'avril, je crois, la ville de Memphis a organisé une journée pour eux. C'est leur jour et ils font un festival du groupe, etc. Ils sont très très très connus là en ce moment. Et la ville de l'île d'Abo pourrait peut-être faire ça pour nous, Francis. Fond du country rock, ouais. Mathis, on va te retrouver dans un petit moment. On va continuer de parler de cet album Memphis Session. On a encore quelques questions à te poser, mais il y a une petite tradition depuis le mois dernier. C'était Magic Bug qui l'a inauguré. On est dans un blues café, donc dans un blues café, il y a un jukebox et on va te demander de mettre une pièce dans le jukebox et de choisir toi-même le titre que l'on va écouter et de nous dire surtout pourquoi tu choisis ce titre-là. Et on va écouter un titre de John Mellencamp. Ouais, c'est un album que j'aime beaucoup. Une référence hein, pour toi. Ouais. En tout cas, ce disque-là, il a été notamment enregistré en partie chez Sun. Et ça a été enregistré avec deux micros. Ça m'a toujours assez impressionné, ce disque. Ouais. On écoute John Mellencamp, Save Some Time to Dream. Mathis va mettre la pièce dans le jukebox. On le retrouve juste après en live sur la scène du Blues Café. Thank you. retour ici sur la scène du Blues Café après ce John Mellencamp. Sur la scène du Blues Café, il y a Mathis Hogg. I'm a rock and roll band, and the river's deep, the mountain's high, searching for fortune. Oh, at least I've tried. Oh, my dear mother wouldn't understand if I would tell her it's time to join the rock and roll band. Things never go as planned. I've learned about life firsthand when I join a rock and roll band. Come on, good. Next song is a Dylan song called I Shall Be Released. Say everything can be replaced. every distance is not near. So I remember every face of every man that puts me here. I see my light come shining from the western to the east. Any day now, any day now, I shall be released. They say every man needs protection. They say every man must fall. Yes, I swear I see in my reflection someplace so high above this wall. I see my light come shining from the western to the east. Any day now, Lord, any day now, I shall be lonely crowd. There's a man who swears he's not to blame. And all day long, I hear shouts so loud, crying out, and he was framed. I see my life comes shining from the western to the east. Any day now, Lord, any day now, I shall be. See my life come shining from the western to the east. Any day now, yeah, any day now, I shall be. Yes, I shall be relieved. I shall be relieved. Mm-hmm. Nous sommes en direct du Millennium de l'île d'Abo ce soir dans le Blues Café Live. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur Mathis Haug, qui va revenir nous rejoindre ici dans notre studio. Nous installons ici au Millennium et on va continuer à parler de cet album, magnifique, le dernier album. Morceau, là. Alors sur l'album Memphis Session, volume 1, bon, déjà on imagine qu'il va y avoir un 2, un 3, un 4, un 5 peut-être. On parlait de reprise, il y en a une, et une seule, il me semble, If I Had My Way. C'est un traditionnel, c'est qui est changé à chaque fois un petit peu. Il s'appelle soit If I Had My Way, Samson and Delilah. Dans les gens que je connais qui l'ont chanté, il y a le révérend Gary Davis de Blasters. Ok. Alors une reprise, mais cinq textes co-signés justement par Sébastien Danchin. Alors comment s'est passé justement la collaboration? Tu vas pas t'échapper comme ça. On avait déjà collaboré sur l'album Wild Country, ouais. qui est là. Et il y a quelques morceaux où j'avais déjà commencé à écrire des textes, et puis Sébastien les a finis, ou on les a finis ensemble. Et puis d'autres où il est arrivé avec un texte et moi j'ai mis une musique dessus, ou j'avais une musique et il a mis un texte dessus. Voilà. L'album n'est sorti qu'en vinyle, c'est ça? Au départ, j'ai découvert. Au départ, il est sorti qu'en vinyle et puis là, il est en CD. Oui, parce qu'on a le CD là devant nous, mais il y a le vinyle aussi. Mais c'était une volonté au départ, non, de le sortir en vinyle, d'abord en vinyle. Oui, parce que j'ai fait un financement participatif. Et, d'accord. Et voilà, et on pensait que le vinyle, c'était sympa. Bon, finalement, on s'est rendu compte que tout le monde aime le vinyle, mais personne n'achète. Ouais. L'album a été enregistré dans un studio à Memphis. Tu n'avais pas envie de l'enregistrer au studio Sun, cet album? Non, vraiment pas. Et pourquoi? Parce que... Le son est trop connoté? Non, c'est pas ça. C'est que c'est un musée la journée, et la nuit, ça se transforme en studio. Et c'est l'abattage. Ouais, c'est pas vraiment... Pour travailler, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de commencer tous les soirs à 10h... toute la nuit, et puis non, là j'ai rencontré ces personnes de Music and Arts qui ont un très très beau studio, un prix aussi défiant toute concurrence. Il faut savoir qu'il y a énormément de studios à Memphis, et que c'est pas très cher d'enregistrer la musique là-bas. Voilà. Et puis il y a une grande tradition aussi, donc il y a énormément de studios, et moi ça me convenait très bien comme ça. Voilà, on va partir un peu de Memphis, on va aller explorer les autres albums que tu as sortis. Il y a trois albums en solo, toujours dans un style assez indéfinissable, entre blues, folk, country, americana. C'est jamais très facile de définir ta musique, alors justement, comment est-ce que tu la définirais, et est-ce qu'il faut d'ailleurs la définir? Ouais, c'est une musique assez ouverte. Je pense que justement aux États-Unis, depuis ces dernières années, il y a pas mal peut-être d'artistes qui ont ce genre de parcours aussi, qui mélangent un peu plein de musiques qu'ils ont entendues. Et moi, comme je dis toujours, j'ai commencé à chanter quand j'étais tout petit avec ma grand-mère qui jouait de la guitare et qui chantait des chansons folk allemandes. Et ces sonorités sont allées aux États-Unis à une époque, nous sont revenues aussi. D'ailleurs, j'ai retrouvé des chansons que ma grand-mère chantait, des traductions, des vieilles traductions. Parce que tu es né en Allemagne. Ouais, américaine. Et puis j'ai toujours aimé ça. Voilà, j'ai toujours aimé les différentes sonorités. J'ai travaillé d'ailleurs avec pas mal d'artistes qui sont d'univers différents, de la musique arabe, passant par la variété. J'ai fait pas mal de jazz assez ouvert, on va dire. Et puis voilà. Alors l'album précédent, je me trompe un peu dans la chronologie, c'est ça, Wild Country, d'ailleurs signé chez le Booker, Nueva Onda. Donc un peu différent celui-ci, mais 9 titres, dont un en français. Oui, et un autre en allemand. Et un autre en allemand. Voilà. Alors pourquoi ce choix, justement? Je me mets assez peu de contraintes, en fait. J'essaie de ne pas m'en mettre. Parce qu'on a... Mais justement, sur cet album, si je me souviens bien, c'est comme une invitation au voyage dans tes albums. Hein. Et c'est important pour toi qui a partagé longtemps ton temps entre justement la France et l'Allemagne? Oui, enfin, c'était de mélanger les couleurs. En fait, à la base, je voulais vraiment faire un disque de country. Mais c'était assez difficile de trouver les candidats ici en France. On aurait dû aller les chercher à l'étranger ou carrément l'enregistrer aux États-Unis, mais ça, c'est notre histoire. Et du coup, j'ai décidé de prendre juste des musiciens talentueux qui n'étaient absolument pas de ces univers-là et de leur faire, de les faire jouer dans l'esprit, mais tout en gardant leur personnalité. Notamment, il y avait le grand Régis Guizaveau, qui était l'accordéoniste, entre autres, de Cesaria Evora et puis de Mano Solo et de plein de gens qui est sur cet album. Il y a Christophe Cravero, qui joue avec Dick Hanegarn, avec San Severino, avec Billy Cobham et tout ça. Il y a aussi Sébastien Danchin, Il y a Sébastien Danchin. Donc il y avait vraiment un mélange. On a eu un violoniste gallois. Et ça donnait Wild Country. On sent que tu aimes en tout cas t'entourer de nouveaux musiciens à chacun de tes albums. Oui. Finalement, un des seuls qu'on arrive à retrouver à peu près sur chacun, c'est Steph Notary. Steph Notary, ouais. Bon, chaque disque a une histoire. Le précédent avait été réalisé par Jean-Jacques Milteau, où il nous avait mis des contraintes. Il y avait juste moi et Stéphane à la base en studio, puis après on a rajouté quelques musiciens. C'est bien de bosser avec des contraintes. Et puis de aussi, c'est peut-être mon côté jazz, ça, d'arriver, de pas bosser avec des formules toutes faites, voilà, avec mettre dans une boîte. Puis je le fais pas très bien, donc. Alors on s'était vu pour l'album Distance justement à Lyon. Tu jouais avec Jean-Jacques Milteau. C'était au Doc 40. Et tu m'avais dit en aparté que pendant l'enregistrement de l'album, Jean-Jacques Milteau t'avait souhaité de ne jamais faire un tube. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas quand même un peu le rêve de chaque musicien ? Ben c'est sûrement le rêve de plein de musiciens, puis moi aussi j'ai eu un tube pour de vrai. Ça n'a pas duré longtemps justement. J'ai eu un tube dans les années, c'était quoi ? C'était dans les années 2000 en Espagne. On était dans le top 40 et tout ça. Je passais sur MTV surtout depuis qu'il y a Internet, les artistes flambent très vite. Moi, il y a énormément de gens que j'ai accompagnés dans le milieu. On appelle plus ça de la variété. Aujourd'hui, on appelle ça la musique actuelle. Mmh. Tu as joué avec Émilie Loiseau, notamment. Oui, Émilie Loiseau, qui a, à ma connaissance, du mal à continuer aussi. À avoir en tout cas, à l'époque, il y avait énormément de moyens. C'est très difficile. Je pourrais citer plein de noms. J'ai eu un producteur, un tourneur qui m'a dit il y a quelques années, en parlant d'un groupe de hip-hop qui était à la mode à cette époque-là, j'arriverai pas à leur faire passer l'hiver. Donc de ce groupe de hip-hop, il y a un gars qui est sorti, il a pas passé l'hiver non plus. Mais c'était à chaque fois les médias français s'enflamment très vite aussi en disant que c'était le nouveau MC Solar. Et c'est vrai que aujourd'hui quand on fait un tube, je pensais à Charlie Winston par exemple, qui a eu un tube qui rame complètement à faire autre chose. Bah, il a fait quelques festivals avec ce tube, ça lui a permis en tout cas de jouer dans ces festivals. Bien sûr, c'est, mais très, après, bien, ouais, bon, ouais. C'est très difficile. Bon, le milieu de la musique en France particulièrement, c'est ce que me disait un vieil ami à moi qui était ici déjà dans les années 60. Qui accompagnait à l'époque toutes les stars des Yéyé dans les années 70, Souchon et tout ça. Il disait la France a toujours été un pays de mode. Et comme je dis souvent, malheureusement, on ne défend pas assez nos musiques à nous. C'est-à-dire qu'on a... Tout le monde va rigoler, mais quand je dis... par exemple, on n'entend pas de musette en France. Tout le monde dit « Ah, c'est pas l'accordéon, c'est un peu ringardos, tout ça ». Les Américains, à chaque fois qu'ils ont eu une musique qui a marché, il y a un musée pour cette musique-là. Il y a un musée pour Johnny Cash. Ils sont fiers, en fait, de ce qu'ils ont. Et ça, ça j'admire ça assez chez les Américains. Ici, on n'est pas très fiers, en fait, de notre patrimoine aussi. Et aujourd'hui, la chanson française, on l'attend pratiquement plus, quoi. Bon, en tout cas, Mathis, sur ce disque, il y a de belles collaborations, notamment avec une saxophoniste de jazz, Cécile Bonacina, si je le dis bien. Ouais. Et avec Eric Bibb. Oui, il y a Bibb aussi. Mais sur un bonus aussi qui ne figure pas sur le CD. C'est incroyable. Pourquoi ce choix ? C'était un choix de Philippe Langlois. On en avait fait plusieurs. Il y en a... Du label Dixie Frog. Voilà, oui. C'est lui qui avait voulu le mettre en bonus. C'est marrant. D'accord, ouais, c'est curieux. Tu parles du label Dixie Frog. On va terminer là-dessus puisque l'heure tourne. Le label Dixie Frog a signé beaucoup de tes albums. On sait qu'aujourd'hui, la fin de ce label est plus que programmée. J'espère que ça, j'imagine que ça a été une belle collaboration pour toi. Que représentait ce label et voilà, comment est-ce que tu imagines la vie sans ? Moi, j'aime beaucoup Philippe Langlois. Ben, ça va faire du vide. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de maisons de disques comme ça, de petites maisons de disques qui ont été aussi passionnées que lui parce qu'il a pris vachement de risques, notamment avec moi à l'époque. Il a misé un peu dessus. Je pense qu'il a perdu pas mal de pognon aussi. Internet, ça a apporté beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de zapping. Et ça va être très difficile pour les artistes qui font pas. Moi, j'appelle ça du cirque en ce moment, là, ce que je vois sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un côté cirque, alors qu'il peut être rigolo. Hein. Mais dans plein d'artistes que je vois qui sont découverts par Internet, il y a ce côté-là un peu qui se développe au détriment, en fait, de la chanson. Et je pense pas que Brassens aurait fait un tube sur Facebook. Je crois que ça va être le mot de la fin. J'aime bien ça. Je crois pas que Brassens aurait fait un tube sur Facebook. Mathis Hogg, son album s'appelle Memphis Section, son dernier album. Le volume 2, c'est pour quand ? Parce qu'il y a marqué volume 1 sur le disque. Donc j'aimerais que tu nous parles du volume 2 maintenant. Un jour viendra. Mathis Hogg, Benoît Nogaret, en live sur la scène du Millennium. Wake up, mama, turn your light down low. Wake up, mama, turn your light down low. Say you have the nerve to drive daddy from your door. Woke up this morning, I had them old Statesboro blues. Woke up this morning, I had them old Statesboro blues. I looked in the corner, Grandpa had them too. My sister got them, my brother got them, daddy got them, and mother had them too. I woke up this morning, have you heard the news? I had them all, States Borough and Georgia blues. Thank you. and I treat her like a doggone queen. I said, wake up, wake up, wake up, mama. You gotta tell them you are down low. I said, wake up, mama. Turn the light down low. I had them all, Statesboro, Georgia blues. I had them all, Statesboro, Georgia blues. I had them all, Statesboro, Georgia blues. Ça, c'est un vieux traditionnel que j'écoutais gamin. C'était Big Bill Brunsey qui jouait ça. Ça s'appelle John Henry. Et c'est une chanson de train. Parce qu'il y a beaucoup de chansons de train. shaker, yeah, shaker, why don't you see? Cause I'm swinging 30 pounds from my hips on down. Listen to that cold still ring, low, low. Listen to that cold still ring. And John Henry hammered in the mountain. His hammer was striking fire. And he worked so hard, and it broke his heart. John Henry laid down his hammer and died, low, low. Laid down his full hammer and died. Well, John Henry had a woman, her name was Polly Ann. He walked out to those tracks, picked out John Henry's hammer, and Polly, she drove steel like a man. Yeah, Paul drove steel like a man. Now every Monday morning, when the bluebird begins to sing, you can hear John Henry for a mile or more. Listen to them coals still ring, Lord, Lord. Listen to them coals still ring. Scène Blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était le Blues Café ce soir de Monsieur Mathis Hogg. Merci aussi à toute l'équipe qui entoure le Blues Café. Je les cite, Claire, Sabine, Ludo, Sébastien, François à la captation et nos bénévoles. Et merci à vous, ô public chéri. On remercie également le studio Magneto qui a assuré le mixage de toutes les émissions de la saison puisque Francis, c'est la dernière émission de la saison. Il me reste à te souhaiter un bel été. Profite bien des festivals. Et si vous êtes en route vers le sud, je crois qu'il y a un certain Mathis Hogg qui tient un bar où on entend de la musique. Absolument. Et c'est pas très loin du pont du Gard. Hein, ça s'appelle La Grange. Et si j'ai bonne mémoire, c'est près de Rémoulin. C'est ça, au pont du Gard. Voilà, merci à tous. En tout cas, merci au public de nous avoir suivis durant toute cette saison. On se retrouve le 19 septembre, ici, même lieu, même heure, même jour. Bon été, profitez bien, à très bientôt. Ciao, ciao. Evolution says tomorrow is the past. Upward social climb, a game of crime and crime. More and more victim, it's the fire next time. Mass consumption, weapon of mass destruction. Killing our dreams in the name of seduction. Mass production, cultural massacre. It takes a consenting victim to create an oppressor. Life took me, it will beat me up. It will never let me down. Wait until the sun comes, I'll still be there. When it all goes down, we fly for jump change halfway across this world. Our planet stopped spinning, our hands are in a swirl. Strawberries and wizard, Christmas in July. On the back of wet backs, always built on a lie. Innocence surrenders to society of bliss. No work, no money, a knife and a kiss. People hope to win, got everything to lose. In the name of nothing, all we reap is the blues. Life took me, it will beat me up. It will never let me down. We wait until the sun comes up, still be there. When it all goes down, we make nothing but a kickstart. Though I walk in second through the valley of death, loneliness is my way, so is crystal meth. Mine eyes have seen the glow of the coming of hell. I can try what I want, nothing where it ends well. God flag the money can never make us free. Sweet land of liberty, my family is to free. Life took me, it will beat me up, it will never break me down. Wait until the sun comes up, still be there. Come on. When it all goes down, when it all goes down. Merci beaucoup. Mon ami Benoît Dogaret.